L'exposition nationale de photos pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, père affectueux du peuple, est ouverte le 10 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés et les travailleurs de la ville de Pyongyang. Y sont exposées les photos montrant la grande vie révolutionnaire du président Kim Il-sung qui a accompli les exploits immortels devant la patrie, le peuple, l'époque et l'histoire, par ses idées et directions éminentes et sa noble vertu. Ils sont également exhibés les photos présentant la direction du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont été toujours ensemble dans la cause pour le bonheur du peuple, et les photos montrant le leadership du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui crée l'histoire sacrée en privilégiant les masses populaires. Ils sont présentés aussi les photos qui montrent la réalité de la Corée et l'esprit révolutionnaire des militaires et civils coréens.